130 livres, chronique du 16 septembre 2021, le sang noir de Louis Guilloux. La saison s'y prête bien. Abordons aujourd'hui un grand lésé de l'histoire du prix Goncourt, ce dont un fameux aréopage de grands auteurs, Gide, Malraux, Dorgelès, Aragon, fit un scandale et son éditeur Gallimard un argument commercial. Le sang noir de Louis Guilloux. Épais de 631 pages dans sa version folio, le roman parut en 1935, soit un temps où l'Europe s'apprêtait à illustrer avec panache le peu de leçons qu'elle aura tirées de la Grande Guerre, contexte de la présente intrigue. La typie fondamentale du sang noir, ainsi que son caractère profondément subversif, consiste à ne jamais visiter les tranchées ou affronter la mitraille allemande. C'est loin derrière la ligne de front que se pose le regard du romancier, dans une ville moyenne de Bretagne qui ne sera jamais nommée. À titre indicatif, Guilloux était natif de Saint-Brieuc. On y trouve un camp de prisonniers allemands, une jeunesse changée à jamais par la boucherie héroïque ou sur le point d'y partir, toutes sortes d'immigrés de pays alliés ravagés par les combats, des femmes plus que jamais contraintes de faire tourner la boutique sans trop le faire remarquer, et un fameux bestiaire de bourgeois feignant le patriotisme à tout craint pour mieux s'intéresser à leur nombril, alors que le monde entier s'effondre autour d'eux. Au centre du récit choral s'étalant sur 24 heures, un personnage vit une étrange réclusion dans l'humble masure de sa compagne, méprisé par les uns, révéré par les autres, sans jamais être vraiment considéré comme un membre à part entière de la communauté. François Merlin dit « Cripure ». Celui qui enseigne la philosophie au lycée de la ville doit son sobriquet à la critique de la raison pure de Hegel. Bel esprit dans une ville qui s'en montre largement dépourvue, Cripure est frappé d'une monstrueuse déformation des pieds. Lui qui vécut une existence de barreau de chaise puis perdit son unique amour au profit d'un bellâtre officier d'infanterie, partage désormais les vies de la rustaud de Maya, prostituée sur le retour, du fils d'une souillon d'hôtel qu'il reconnut peut-être par erreur, et d'un quêteur de clébard envahissant. Ses échecs et son inadaptation fondamentale à l'hypocrisie de la vie bourgeoise ont rendu Cripure anarchiste et misanthrope. Il peine à achever son chef-d'œuvre, la chrestomathie du désespoir, comme à mettre fin à ses jours. Lorsqu'un ancien élève en partance pour le front vient lui demander conseil, par amertume ou par jeu, il démonte méthodiquement l'objet de sa propre thèse antédiluvienne, le philosophe Turnier. Extrait. Ils en étaient arrivés à un point mort de la scène, non le point culminant, mais le temps de repos et de recueillement qui suit les premières escarmouches, où chacun des personnages engagés dans le conflit croit encore pouvoir le diriger. Mais il était déjà trop tard. L'occasion d'où était née la querelle était oubliée, personne ne songeait plus à l'uniforme étalé sur le lit comme une pièce à conviction, mais pour un autre procès. La résolution de Lucien fortement exprimée, il n'y avait plus rien à dire. Il ne restait plus qu'à chercher ailleurs des aliments au feu qui flambaient, et ces aliments étaient là tout prêts pour chacun, ils en avaient les uns et les autres d'abondantes réserves accumulées depuis des années. De quoi allumer tout un brasier. Le malheur, c'est que le phénix renaissait toujours de ses cendres. Ces feux de joie des familles bourgeoises n'étaient nullement des feux purificateurs, Lucien le savait par une longue expérience. Quand on s'était tout dit, rien n'était vidé. Les arguments qui avaient une fois servi à blesser d'une manière souvent si subtile ne perdaient jamais leur venin. Ils pouvaient resservir indéfiniment, blesser aussi sûrement la centième fois que la première, et enfin, comme il en avait vu autour de lui tant d'exemples, ils pouvaient finir par tuer comme on tue avec le poison. Et c'était cela qu'ils appelaient la vie de famille, la douceur du foyer et autres ordures, quand on comprenait sur quelle somme d'hypocrisie et de méchanceté reposait ce qu'ils appelaient un monde. Car bien entendu, une scène de ce genre aussi triviale, c'était au nom des choses nobles qu'ils prétendaient la justifier, au nom de l'amour, comme la guerre au nom du droit. Dans moins d'une minute, Lucien en était certain, sa mère allait tâcher de l'escroquer au sentiment, exiger de lui qu'il cédât au nom de l'amour filial. Et si Lucien ne cédait pas, elle déclarerait tout simplement qu'il était un mauvais fils. La sœur, une fois de plus, prétendrait qu'il n'était pas concevable qu'un frère qu'elle avait toujours aimé et pour qui elle avait tant fait, il se demandait quoi, agit envers elle d'une manière aussi indigne. Quant au père, il s'efforcerait de parler de son autorité de chef de famille, mais heureusement sans rien tenter pour la rendre efficace, sauf peut-être qu'il traiterait encore une fois Lucien de galopin, comme il avait fait récemment. Mais là-dessus, on passerait. Il fallait espérer qu'il s'en tiendrait à invoquer des arguments nobles, devant quoi Lucien pourrait faire la sourde oreille. Mais s'il parlait de l'intérêt familial, comme il était possible, Lucien sentait qu'il pourrait tout à fait perdre patience. Le si excentrique et malfagoté Cripure s'emploie ainsi à dérouter ceux qui le tiennent en haute estime. Le reste de la ville cherche franchement à lui nuire, tels les inconnus qui s'emploient à saboter son vélo, se moquent de lui ou le jalousent en secret. À la tête de ses détracteurs, l'onctueux et immodeste Nabusset, conscient de la supériorité académique de son rival, mais devenu pilier de la vie culturelle locale à force de ronds de jambes et manigances mesquines. Il accueille ce jour-là son ami d'enfance, le capitaine Plaire, qui souhaite s'établir en jeune retraité dans la région et compte sur le proche refuge de l'assistance publique pour y trouver la jeune servante de ses rêves. Au lycée, les répétiteurs débattent de Lénine, l'idéaliste Moka et le cynique Glâtre. La femme du proviseur, Bonhomme, veille le fils du concierge Noël amputé des deux jambes. Nabusset, tel le pontifiant Monsieur Manhattan de Benoît Poulvorde, se couvre de ridicule en leur rendant visite. Il sermonne aussi Montfort, un surveillant et ancien élève pacifiste et lecteur du subversif Romain Rolland. Puis le professeur se hâte. Il doit prononcer un discours à la remise de médaille de Madame Forel, l'épouse du député, prodigue de ses soins aux mutilés de guerre. Pour que tout soit prêt et à son goût dans cette cérémonie qu'il organise au lycée, Nabusset martyrise le pauvre Noël. Le fils du censeur boursier, Lucien, lui-même blessé au front, refuse de participer à la célébration. Il part pour l'Angleterre sans finir ses études, malgré les suppliques de sa famille. Lucien prend une chambre à la pension de la revêche Madame de Villaplane en attendant son départ du lendemain. L'unique pensionnaire précédent, Kaminski, vient de partir. Amoureuse de lui, sa logeuse jalouse qui l'espionnait par un trou du plafond lui faisait quantité de scènes pour sa vie dissolue. Le député Forel débarque en ville pour la décoration de sa femme. Il croit Scripure qu'il respecte toujours profondément. Membre de l'état-major, il sait que des unités entières se sont mutinées et que ces révoltes furent réprimées dans le sang. Forel partage le fatalisme de Scripure, mais ne peut guère le montrer. Kaminski fréquente Simone, la fille du notaire. Il compte l'enlever pour l'emmener vivre à Paris à ses côtés, mais c'est elle qui projette de se servir de lui en le quittant une fois faite à la vie parisienne. Elle vole son père et passe avec ses parents un dernier déjeuner extraordinaire, savourant dans le détail le monde sclérosé qu'elle va quitter. À midi, après les cours, Scripure va s'enivrer en ressassant ses faillites. La pire, son mariage avec Toinette, le reste, tout ce pourquoi on le prend de haut. Il accompagne ensuite son fils Amédée à son départ pour le front. Maya en profite pour recevoir son amant, avide de récupérer le supposé magot du vieux boiteux. Extrait. Puisqu'en fin de compte, c'était toujours le même battement de cœur angoissé qu'on retrouvait en chacun, la même épouvante devant la mort non seulement de soi, mais de l'amour, être séparé, qui avait-il d'autre à faire qu'à tendre les bras sinon vers un Dieu auquel il ne croyait plus ou croyait ne plus croire, au moins vers un frère aussi malheureux que soi. Il l'avait parfois tenté, découvrant avec ivresse que son malheur propre s'allégeait au moins du fait qu'il ne serait plus seul à souffrir et qu'il pourrait le partager avec d'autres. Mais il n'avait rien voulu savoir. Nouveau mystère, c'était qu'ayant conscience de cela aussi, peu ou beaucoup, là n'était pas la question, il continuasse d'agir comme il le faisait, comme si ce secret leur eût été étranger. En raison même de ce que pensait Scripure sur le mystère de ses langages et sur leur infaillible précision, sa conviction intime était que personne du plus idiot au plus génial n'y était entièrement sourd. Ce battement angoissé du cœur, il était sûr que chaque homme au monde en percevait la présence, en devinait le sens. Mais alors, comment du sein de cette angoisse pouvait naître tant de haine, et non seulement de haine, mais de sottise? Comment non seulement la guerre, mais la platitude de ces messieurs? Puisqu'ils savaient à n'en pas douter, et qu'ils portaient tous à leur cou comme une médaille ce secret de Polichinelle, comment faisaient-ils? Non pas pour vivre, mais pour vivre ainsi. Avec ce noyau de plomb au fond du cœur, comment pouvaient-ils être aussi durs et secs, jeter leurs fils au charnier, leurs filles au bordel, renier leur père, engueuler leur femme qui pourtant les menait, bataille sans fin, renier ces gages à la bonne qui sortaient trop, étaient trop prétentieuses, tout cela en pensant au cours de la rente et au prochain film comique qu'on irait voir au palace si on avait des billets de faveur. Et puis encore beaucoup d'autres choses, car ce n'était là que le décor immédiatement saisissable, et par-dessous cette angoisse, que Scripure voulait commune à tous, ils avaient des idées, ils voulaient des choses, c'était à désespérer. Les aimer? Ah, vraiment, non. Dans la rue, Scripure tombe sur Babineau, champion incontesté de la pose patriote, qui distribue des poèmes pompiers de son cru aux soldats. Lorsqu'il tente d'entendre un à deux pères missionnaires, il le déchire, puis frappe son auteur. La décoration de Madame Forel s'avère le sommet de fausseté théâtrale escomptée, mais tous les notables présents sont fort heureux de s'y retrouver. L'œil sain d'un bandeau, Babineau prétend avoir été agressé par des espions allemands et régurgite ses habituelles anecdotes cocardières, alors que personne n'ose encore lui dire que son fils est mort au front. Moka entraîne Scripure dans un réduit du lycée pour boire du champagne loin de la fête. Son ancien maître s'en trouve inspiré. Près de la gare, dans un mouvement de foule, il se trouve nez à nez avec Nabusset et lui assène la formidable gifle qu'il rêva si longtemps de lui administrer. La perspective d'un duel à mort, dès lors, semble autant satisfaire l'infirme que son ennemi de toujours. On l'aura compris, respectant sur ses 631 pages les unités de temps et de lieu, la fresque de Louis Guilloux couvre une extraordinaire quantité de personnages et situations, du tragique au grotesque. Son regard glisse d'un tableau à l'autre avec une admirable fluidité. Le simple jeu de massacre eût été bien facile. L'auteur, loin de honnir tous ses personnages, y préfère la démonstration du caractère profondément factice de la prétendue unité nationale. Vu d'ici, la guerre n'est qu'un conte. Un conte sanglant, mais un conte. Et chacun se le narre fort différemment. Les conscrits encore frais plastronnent, sauf ceux qui rêvent de la révolution russe, ceux qui n'iront pas se battre en rêveraient ou du moins le prétendent, ceux qui sont vraiment allés à la guerre en reviennent estropiés ou désabusés. La DRDD offre l'occasion d'hystériser la morale à peu de frais, notamment du côté d'une bourgeoisie matérialiste à la métriquée. Ainsi la manière dont on culpabilise les élèves du collège. « Il sera lâche de votre père de mettre mal à profit la liberté que vous laisse l'absence de vos pères. » On leur donne du bon ou du mauvais français selon leurs résultats scolaires. Les bonnes gens s'inquiètent des défaitistes réputés acquis aux tests bolcheviques. Pour cela, comme pour les suspects d'intelligence avec l'ennemi, la délation va bon train, comme une répétition générale de l'apogée des années 40. Extrait. Il lui semblait comprendre que tout ce qu'il y avait encore de raison chez Babineau, de pure tendresse, avait déserté son visage, incapable désormais d'exprimer autre chose que les passions inhumaines du patriotisme et de la guerre, et s'était réfugié dans cette nuque naïve et surtout plus bas, dans les bourrelets du cou très rouge, tandis que Babineau pérorait ce qui, à tout autre moment, n'eût excité que son dégoût et peut-être son hilarité. Mais qu'il était loin de penser à rire. Rien de ce que disait, de ce qu'était Babineau ne prêtait plus à rire, dès qu'on le regardait ainsi non plus dans un visage qui n'était qu'un masque en carton, mais dans sa vraie chair tendre qui commençait à se défaire, à se décoller et à pendre sous les maxillaires, à se gonfler comme se gonfle la chair des cadavres. Bientôt d'ailleurs. Mais quoi bientôt? Ça pouvait durer aussi longtemps encore, des années, éternellement peut-être. Oui, je dis bien éternellement affreux. Le plus singulier, c'était que Babineau croyait être son masque, qu'il voulait ignorer ce personnage caché comme une devinette dans les bourrelets de sa nuque. Le faux Babineau seul voulait compter. Il y avait un Babineau qui tenait contre les boches, le Babineau héroïque et imbécile, et un autre, le vrai, qui pleurait des larmes silencieuses sur la mort prochaine de son fils et sur son propre destin. Peut-être était-il nécessaire qu'il y eût un Babineau tenant afin que l'autre pût pleurer toutes ses larmes. Oh Dieu, Dieu, et ce visage blanc de chaud avec ses yeux plats et noirs de morte qui me regarde avec reproche. Dans un coin discrètement écarté, hasard ou choix sans doute, Madame Babineau était assise, aussi immobile qu'une stèle, tout en noir, déjà froide et comme entourée d'un suaire. En avance sur son destin. À peine si à quelques tressaillements presque imperceptibles de ce visage en papier, on devinait qu'elle était encore vivante. Si jamais ici il y avait eu un masque, ce masque était depuis longtemps tombé. Elle ne craignait plus de se montrer telle qu'elle était, dans sa vérité, comme ceux qui sont entrés vivants dans la mort. Quand son fils serait tué, Babineau changerait peut-être. Elle, non. De même, la micro-société du sang noir demeure indécrottablement misogyne alors que les femmes la portent à bout de bras. Celles que la guerre a privées de leurs époux ou de leurs fils sont désormais des ombres. Du côté des vieilles filles, les rêves se sont dissous. Quand leurs hommes sont toujours présents mais accablés par la dureté de l'époque, elles les couvrent des mêmes soins qu'à l'accoutumée, ravalant leurs propres chagrins. D'aucune se donne plus facilement qu'en temps de paix, d'aucun s'en frotte les mains. Authentique premier rôle féminin du roman, Maya éblouit par le rêche bon sens dont elle use pour rudoyer son cri pur. Ses trouvailles langagières n'appartiennent qu'à elle. Ainsi, « t'as une tête de chou chier !» La fracassante répartie paysanne de Maya offre ici l'occasion de saluer d'une manière plus générale le grand soin apporté par Louis Guilloux à la diversité, voire à la singularité des registres dans lesquels s'expriment ces si nombreux personnages, reflétant autant de caractères et de conditions sociales. L'auteur s'avère un formidable dialoguiste en plus d'un observateur avisé des bassesses petites et grandes, et aussitôt qu'il lâche ses coups, sa méchanceté est un régal. Quel mal lui a donc fait la ville d'Angers pour finir qualifiée de ville sans mystère sous le plus niais des ciels, où l'on rencontre le plus de par-dessus à fourrure, et nulle part l'on n'aurait croisé de bourgeois plus infatués, de bourgeoises plus rigidement mornes. Mais si le récit entier baigne dans l'humour et la noirceur, c'est aussi pour renforcer par contraste la puissance de ces rares moments de grâce, tel l'étrange pantomime d'un couple de marginaux noctambules observé par Cripure à la lueur d'un réverbère, ou l'échange pudique et sincère entre une femme plaidant pour la survie de son fils et celui qui osera lui dire que tout espoir serait vain. Les êtres capables d'amour ou de compassion se reconnaissent entre eux, tandis que le destin les frappe sans distinction, au même titre que les inconscients, les pusillanimes, les délateurs, les opportunistes et les jouisseurs. Dans le sang noir que la France de Louis Guillou laisse échapper à gros bouillons se mêlent ceux des victimes et des bourreaux. Comme le suggère un final absurde et grandiose à la fois, au-delà du deuil de ses enfants les moins nobles comme les plus dignes, elle porte celui de tout espoir de trouver un sens à l'hécatombe et d'empêcher son perpétuel recommencement.